fois j'ai mal au cœur et des fois à la tête, et ça dépend toujours de quel jour c'est la fête, si c'est du vendredi. Célèbre l'amour et les petits poissons, de déclarer bien fort pourquoi continuer si le grand pan est mort. À bouffer nos arêtes qui ne vous ont rien fait. Méfiez-vous mes frères, si on faisait du sport, on pourrait être gaulé comme des baleines. Touchez pas aux petits poissons, il se peut que ce soit une sirène. Que rire perdu son blouson en rencontrant Étienne. Des fois j'ai mal au cœur et des fois à la tête, et ça dépend toujours de quel jour c'est la fête, si c'est du samedi. Je rejoins la campagne et sous le ciel gris d'un bled de champagne, pourquoi continuer si le grand pan est mort. À vouloir faire des crêpes qui n'aiment que des grumeaux. Méfiez-vous mes sœurs de l'arbre qui fait le mort, car il a dans sa poche de quoi prendre le train. Touchez pas aux petits poissons, il se peut ce soit une sirène. Que aurait perdu son blouson en rencontrant Étienne. Touchez pas aux petits poissons, il se peut que ce soit une sirène. J'aurais perdu son blouson en rencontrant Étienne.